Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Ah ouais, je vais faire un indicatif pour les sprats. Ce sera pas long. Et bonsoir, en manchette ce soir, Guinness Gate, vengeance et électricité. Et pour raconter votre vie plate ce soir, Mathieu Boudreau, Étienne Lapointe, Oscar Sorti, Emmanuel C. Séguin, Damien Blas Bouchard, Jean-Sébastien Godette, je ne sais pas c'est qui, ainsi que notre invité, Jean-Marc Pissapia. Monte le son à un volume d'écoute raisonnable parce qu'en direct du Brouhaha, c'est 70%. De toute beauté, vous venez d'entendre une chanson thème que mon petit frère François avait fait pour nous en 2007-2008. Il l'a perdu dans les méandres de son ordinateur et il l'a retrouvé dernièrement. C'est quand même quelque chose de très 70. Je me rappelle que tu l'as beaucoup gossé pour ça au FME cette année d'ailleurs. Ouais, mais là, tu as sûrement ça en quelque part pareil encore, là. Ben là, puis il l'avait en quelque part. T'avais raison de gosser. Peut-être que c'est ça, il s'est passé de la magie, de la belle magie dans ce cas-là. Sinon, ben vous êtes à 70%, j'en ai parlé tantôt, c'est ma fête et tout. C'est vraiment une époque de l'année où c'est important de prendre un peu de recul sur les choses qui comptent dans la vie pour être capable de tout remettre en perspective. Et d'ailleurs, à chaque année, on a comme un invité de marque, hein, faut le dire, ça fait tout le temps plaisir. On a eu Jocelyn, on a eu Richard Z. Sirois, et cette année, on a Jean-Marc Pissapia. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ben oui. Merci. Jean-Marc, on peut dire Pissapia, on peut dire Pissapia. Ouais. Moi, c'est comme Godet ou Godette, d'habitude, je me reviens. En Italie, ils disent Pissapia. Ah. Parce que le S, c'est pas un Z, c'est un S. OK. Aux États-Unis, pizza, pizza. C'est pas pire, ça. Pas pire non plus. Et puis sinon, ben toi, t'es claviériste depuis quand même une bonne tranche. C'est-à-dire que si tu me demandais de jouer Bon anniversaire au piano ce soir, je serais pas capable, je ferais plein de fausses notes. J'ai arrêté de jouer du piano, moi, après Men Without Hats. OK. Parce que je me suis rendu compte que pour composer de la musique, quand tu te sers d'un instrument, tes doigts vont tout le temps à la même place par automatisme. Donc, tu te répètes. Tu n'arrêtes pas de te répéter, tu fais tout le temps la même tonne. Fait que j'ai complètement arrêté de jouer. OK. Ben, moi, j'avais l'impression que The Box, il y avait beaucoup de chansons qui étaient comme atmosphériques clavier à la base. Oui, mais ça, c'est parce que le claviériste que je suis devenu, sachant pas jouer, je me servais des séquenceurs, des synthétiseurs et toutes ces bebelles-là. OK. Et ça me faisait passer pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais en fait, c'est la machine qui faisait le travail. Est-ce que tu es un fan de Genesis puis du vieux oui. Ouais, hein, de le... Oui. Il me semble que je reconnaissais quelque chose entre les deux. C'est à l'époque où je trippais sur Genesis beaucoup. J'ai eu une grosse passe de boxe et je te mentirais pas, il y a mes parents qui sont là. C'était le band qui faisait l'affaire à tout le monde. Genre. Le band consensus. Ouais, exactement. Vous étiez le. Puis là je veux dire, Genesis, ça marchait pas. Bruce Springsteen, des fois, ça marchait, mais parce que mon père aimait bien gros ça. Mais c'est tout le temps la maman hein, que c'est plus dur à aller chercher. Puis The Box, ben, tu scores. C'est... Excellent. Mais t'as raison. Nous, moi, ma diète musicale des années 70 était très, très, très variée. Mais effectivement, au centre, t'avais le prog. Donc, Genesis, Gentle Giant, yes, beaucoup yes. Ah, ça, j'aime ça. Et moi, ce qui me plaisait de tout ça, c'était le côté comptage d'histoire, surtout Genesis, hein, parce que yes, c'était pas du tout le cas. Et Ian Anderson a lui-même admis que ça faisait absolument aucun sens, ses paroles. Qui racontait n'importe quoi. Ben, Aqualung, tu sais, tout d'un coup, ça l'aide. Hein, ça, c'est Jethro Tull. Ah oui, ben oui, c'est Ian Anderson. Ah non, C'est vrai. Excuse-moi, t'as raison. Ian Anderson, c'est Jethro Tull. John Anderson, c'est le chanteur de Yes. De Yes, oui, oui. Rectificatif. Comme dans John and Vangelis, quand ils ont fait des albums. Exactement. Ensemble. Ben oui, très atmosphérique, ça aussi. J'aime beaucoup ça, moi, cet aspect-là de la musique. Plus comme du rock prog, plus nouvel âge que métalleux. Ouais. Genre, moi, je suis plus dans cette Évidemment, direction. Nous, quand on a commencé, dans les années 80, il était hors de question de donner dans ce genre-là parce que c'était considéré comme l'affaire la plus ringarde qu'il n'y a pas. À part pour certains survivants comme Marilyn qui continuait d'en faire. C'est une autre excellente band, ça. Excellent band aussi. Et par contre, on en a pris l'esprit et on l'a transposé dans des tunes pop faites pour la radio. Un excellent exemple de ça, je pense, c'est l'affaire du Moutier qui raconte une histoire. Une histoire de meurtre du début à la fin, là, avec le gars qui rappe, qui raconte. C'est pas vraiment du rap là, tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est quand même parlé. Oui, c'était de la musique parlée. C'est ça. Ça fait qu'on raconte l'histoire, puis c'est un début, un milieu, un dénouement. C'était très bilingue aussi. Moi, j'ai entendu une version italienne, une version française, une version anglaise. Britannique. Du Moutier. Ouais. Bravo, hein, ça, c'est une très bonne toune québécoise. En fait, si je fais le total, t'as participé à... Je dirais ce qui s'est le mieux exporté du Québec dans les années 80. Participer, oui, c'est vrai, à cause de mon premier groupe qui était Men Without Hats. C'est capoté, ça, là. Oui. C'est-tu toi qui as composé Pop Goes the World? Non. Ça l'a demandé tantôt. Non, moi, je n'étais plus là à ce moment-là. OK. Ça, c'est Ivan. Même Safety Dance, je n'étais plus là. Mais tout le début, là, je suis arrivé après. Regarde, je suis pas casable. Jean-Marc, il dit bring it. Sinon, ben, on va mettre ça au clair tout de suite. Tu joues à Magic, hein? Les musiciens, ils aiment ça jouer à Magic. Qu'est-ce? Je sais même pas c'est quoi. C'est ça, c'est ça. Comme Gérard de la Rose. Puis, sinon, en plein parallèle. Ah non, mais lui-ci, il savait pas c'était quoi Magic. C'est quoi Magic? Hey boy, c'est un jeu de cartes à collectionner que personne joue, là. OK. Sauf de plus en plus de monde, mais pas ici. Genre, okay. Le premier invité qu'on a eu qui jouait à Magic, c'est un esprit quand on jouait à Ouija à radio, là. OK. On a tout essayé, nous autres. Sinon, ben, Jean-Marc, je t'ai parlé tantôt de faire un indicatif. C'est quelque chose qu'on demande à nos invités. Je l'oublie souvent pendant que j'y pense. Let's go. T'as 30 secondes pour nous faire un indicatif. Rappelle-moi ton prénom. Moi, c'est Tommy et Bruno. Tommy et Bruno. Mesdames, messieurs, je m'appelle Jean-Marc, je suis le chanteur du groupe The Box et vous écoutez 70% avec Tommy et Bruno. Hey. T'es encore meilleur qu'au rehearsal tantôt. Et puis sinon, là on a parlé de musique et tout, t'es-tu un fan de jeux vidéo, un cinéphile? Qu'est-ce que tu fais là quand t'as un après-midi à tuer? J'ai été... Le bowling. J'ai déjà été un fan de bowling, de jeux vidéo et de toutes ces choses-là, mais non plus maintenant. Moi, c'est pas compliqué. Depuis Internet, ma vie est finie. Je suis un addict d'Internet. Je suis un addict d'info. OK. Je me suis rendu compte qu'en écoutant une émission à caractère scientifique chez Radio-Canada qui s'appelle Les Années Lumière, okay. Que je suis effectivement un addict d'info. Écoute ça, j'ai du temps? Bien sûr, bien sûr. Ce sera pas si long que ça. Apparemment qu'à l'enfance, OK, en bas de 4 ans, le fait d'apprendre quelque chose chez un enfant crée une réaction forte en produits chimiques du cerveau, genre dopamine, tout ça, qui donne une sensation de bonheur. L'enfant apprend et il se sent heureux. Normalement, vers l'âge de 10 ans, tout ça s'arrête. Apprendre, ça devient chiant, comme à l'école. Mais il y a certains bozos comme moi pour qui ça dure toute une vie, ça. Fait que moi, je me souviens très bien, par exemple, quand j'ai eu mon premier bébé, puis que j'avais pris une brosse la veille avec ma femme, le lendemain, j'étais décrissé à mort, puis j'avais rien qu'une envie, c'était de rester au lit, mais j'étais obligé de me lever. Je mettais PBS, puis je tombais sur un documentaire, et tout d'un coup, tout allait bien. Full dopamine, tu t'injectais full sérotonine, puis là, j'étais parfaitement correct, je donnais le biberon, je regardais tout ça, puis c'était tout. Est-ce qu'il y a une science que tu préfères que les autres? C'est ce que j'ai entendu. Hein? Est-ce que tu as une science préférée? Parce qu'il y en a pas mal, là. Des sciences? Oui, c'est ça. Je les aime toutes, mais je suis bon dans aucune. Notre album qu'on a sorti en 2005 parlait d'astrophysique, surtout. Ah, ça, c'est ma préférée. Une mécanique quantique, ce genre d'affaires-là, univers parallèles. C'est The Box encore. J'ai vu sur Wikipédia que ça durait encore depuis tout ce temps-là. Genre, depuis que j'ai pu vu les clips, j'étais plus au courant. Genre. Ça, c'est pas correct, ça. Autrement dit, la question étant, qu'est-ce qui arrive avec The Box depuis 2004? Ben oui, ça. Ben, on a pris un gros break entre 93 et 2004. OK. De 82 à 93, on a pressé le citron d'une façon complètement ridicule. On faisait 250-260 shows par année. Ça finissait jamais. Là. C'était on s'est complètement épuisé. Ouais, je comprends. En 93, j'ai perdu la moitié du band en revenant de Los Angeles. Bref. Et puis, j'ai commencé à faire de musique publicitaire. Et j'ai rencontré un paquet de nouveaux musiciens avec qui j'avais bien du fun, puis avec qui on faisait des projets parallèles. Et ça a donné, quand The Box était tellement sollicité pour revenir faire de la scène, moi, j'ai été voir... T'en faisais 250 par année pendant 11 ans. Le monde, à un moment donné... Ils voulaient nous revoir. La dopamine. Genre. Et puis moi, ça me tentait pas de retourner sur scène avec rien de nouveau à dire. L'ancien band voulait rien savoir de retourner faire quoi slack, que ce soit. T'es quand même assez contre-courant avec cette idée-là. Là. Pourquoi? C'est souvent, il y a des comebacks qui se font, puis que... En tout cas, il la chicane dernièrement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? On joue le vieil tune. Ouais, c'est en tout cas. Oui, non, ouais. Regarde, c'est pas parce qu'on les joue pas, on adore les faire. Sauf que je voulais arriver avec un nouvel album. Ouais. Alors, en 2005, on a fait un nouvel album avec un nouveau band. Je suis le seul survivant de l'ancienne formation. OK. À savoir, d'ailleurs, qu'on est encore ensemble depuis 2004. On s'est remis ensemble en 2004. On a écrit cet album-là. On a fait un autre en 2009, une adaptation du Orla de Maupassant. Full prog. Full. J'ai vu. C'est capoté, là. Ah oui, ben oui. Absolument. Puis c'est un album qui est très long. Ça nous a pris 3 ans à faire. Il est vraiment très hot. Tout en français, puis en français d'époque, en plus. Oh, d'époque. C'est-à-dire que... Espoque. C'est le langage vraiment 1880. Là. On est vraiment dans les formules très, disons, sophistiquées là, de l'époque. Là. Puis moi, j'ai absolument pas touché à ça. Je l'ai pas modernisé du tout, l'histoire. Je l'ai remise exactement dans son contexte. J'ai respecté Maupassant 100% pour ça. Et ce qui donne d'ailleurs quelque chose de particulier à cet album-là, à cause de ça, c'est un mélange de quelque chose de très ancien, de langage, avec quelque chose de plutôt nouveau. Alors, on a eu bien du fun avec ça, puis ça roule depuis. Ah, j'ai hâte d'entendre ça, c'est sûr que je vais... Mais là, on ne tente pas de tomber là-dedans, parce que moi, j'ai commencé comme un comic book avec un ami, un comic strip. Puis là, on a écrit en anglais, puis là, il y a des souverainistes qui me disent « Pourquoi t'écris? » C'est comment qu'il a formulé ça? Il a écrit... Fait que comme ça, t'écris des comics pour tout le reste du monde, sauf le Québec. C'est ça qu'il a dit, le gars. Mais voyons, Chris, putain. Ah, j'ai eu affaire à ça toute ma carrière, moi. C'est pas nouveau pour moi. Mais tu faisais les deux aussi. Il y a des albums avec des chansons en français, puis d'autres en anglais. Ouais, mais tu sais comment c'est dans l'intelligentsia? Eux autres, quand ils se mettent une idée dans la tête, ils veulent pas que tu les contredises. Ben oui, Garou, il est bon, hein. Pour moi, arriver et dire... ça a l'air d'être une idée que l'intelligentsia a essayé de nous mettre dans la tête que Garou, c'était bon. Genre. Puis là, il fait des albums. Mais là, il est comme disparu. Il n'arrive pas à les contredire, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Moi je peux pas faire ce genre de commentaire-là. Non. Non, mais ça, on est là pour gauler. Dans les toilettes tout à l'heure, peut-être, si tu veux, mais pas ici. Non, c'est ça. Ça fait que j'ai... tu leur dis, ben oui, mais c'est bilingue, cette tune-là. Il y a du français, il y a de l'anglais. Non. Ouais, c'est ça. C'est encore pire, je pense. Ouais, c'est ça. T'es en train c'est de mettre les deux ensemble. C'est une, probablement. Une relation malsaine entre les deux langages ennemis. Puis tu prouves que t'aurais pu la faire juste en français aussi, en étant capable d'en faire. Puis ils ont réussi à nous chier sa tête quand on a sorti le Orla en 2009 aussi. Ben oui, parce que là, tu vas aller. Tu scrapé un classique de la littérature qui t'avait rien fait. Ah non, mais on est très content de t'avoir avec nous, Jean-Marc. C'est vraiment un privilège. C'est un petit peu mon cadeau de fête. Je veux que tu le prennes bien. Là, on a parlé de la fête du Moutier tantôt, mais est-ce qu'il y a une chanson de The Box ou peut-être de ton album solo ou que t'aimes plus que les autres? Et l'affaire du Moutier. Ah ouais, hein? Ça me donne bonne, ça. Elle a toute cette tune-là, puis je sais que j'en réécrirai jamais une autre de ce niveau de qualité-là. Je le sais, parce que c'est ce qu'on appelle en anglais un « once in a career ». Tu sais, t'en fais une de même, puis après ça, oublie ça. Elle a tout, elle a absolument tout. Elle est originale, elle est devenue un hit, malgré que c'était une histoire de meurtre. Ouais. Depuis quand tu fais une histoire de meurtre? D'habitude, c'est, on s'en Rit avec l'amour. Puis pourtant, les compagnies disent qu'ils étaient contre ça au bout. Non, on voulait faire une vidéo avant que l'hiver se pointe. Non, on fait d'autres choses à la place. On veut faire ça, s'il vous plaît. Il a fallu qu'on se batte avec eux autres pour ça. Il est hot, la vidéo aussi. Ah ouais, ouais, très cool, là, tout ça. Puis c'est une toune qui a tout, puis je sais que j'en ferai jamais une autre comme ça. Je suis très content du Horla, mais là, du Moutier, c'est ça. Et voilà. Puis en plus, c'était au bon moment aussi. Là. C'est tout le Zeitgeist était du Moutier dans ce temps-là. Genre. Encore plus après Turcotte, mais bon. Non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ouais. Ben oui, la belle finale. Bon, ben merci d'être avec nous. Avec Jean-Marc Pisapia, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer sur le stage. N'hésite pas, t'as un micro, t'es le bienvenu à commenter. Absolument. Ce qui me fait dire, mon cher technicien d'amour, Alexandre Larocque, on peut partir. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ça fait un petit bout comme l'avantage. Porte patio qui explose à chaque fois. Let's go, man! Oui, animé d'un désir de vengeance ultime sur Twitter, John Rain Rivello, 29 ans, a décidé d'envoyer un tweet méchant de destruction au journaliste Kurt Eichenwald. Sachant que sa cible était épileptique, Rivello a envoyé une image animée qui flash dans le but de créer une crise d'épilepsie, ajoutant le texte « J'espère que tu vas faire une crise d'épilepsie pour ton commentaire. » Ton commentaire, oui. Son attaque a fonctionné. Le journaliste a bel et bien subi une crise causée par l'image du héros qui lui fait face à 10 ans de prison. Suite à son message, plus de 40 personnes ont également envoyé la même image au journaliste. Leurs informations ont été envoyées au FBI. Les raisons exactes de la colère de Rivello et de ses disciples ne sont pas claires, mais le journaliste est très vocal contre la présidence de Donald Trump. On a le droit d'extrapoler. Ouais. Aïe, aïe, c'est de toute beauté. Ça me rappelle à la nouvelle que tu nous avais racontée que du gars qui avait été hacké. Ouais, ben c'est un virus en fait que le gars avait créé. Et, ouais, pour, qui avait hacké le site de l'association des épileptiques. Puis ça faisait que quand t'allais sur le site, il y avait des flashs juste pour. C'est... Aïe, c'est hyper vert en c'est weird en fait. OK, next! Oui, au Royaume-Uni, Richard Bull, 32 ans, chargeait son iPhone à côté de lui alors qu'il prenait son bain quand le prix visible est arrivé. Le fil du chargeur est entré en contact avec l'eau du bain et l'homme est mort électrocuté. Pour aider, un coroner a affirmé que la mort était accidentelle et qu'il allait envoyer son rapport à Apple pour checker s'il n'y aurait pas de quoi à faire à part dire au monde de ne pas garder les appareils électriques branchés à côté du bain pour éviter d'autres accidents de la sorte. Un porte-parole pour l'organisme de charité Electrical Safety First affirme que cette mort met en lumière les dangers de garder un appareil électrique branché à côté du bain, tandis que l'expert en sécurité Steve Cutler affirme qu'un appareil électrique comme un téléphone ou un laptop laissé à côté du bain branché peut nous électrocuter. Il ajoute que d'être mouillé aide à mourir électrocuté si on garde un appareil électrocuté électrique proche de l'eau. Qui conduit l'électricité. La Société royale de prévention des accidents recommande également de ne pas laisser des appareils électriques branchés à côté du bain. Surtout quand on prend un bain. Tandis que la conseillère en santé publique, Sheila Merrill, affirme que les gens devraient être au courant des dangers de laisser un appareil électrique branché à côté du bain parce que c'est dangereux. Les experts sont unanimes. Ils recommandent de ne jamais garder un appareil électrique branché à côté du bain. Donc, en résumé... L'article, il y avait plus de monde dans l'article en passant. J'ai skimé un peu. Ouais, j'ai synthétisé un peu. Sacrément. OK, next. C'est des vraies nouvelles. Je capote. Zachary Siegel, un commis de dépanneur de Coldwater au Michigan, a appelé la police pour signaler un vol en décembre dernier. L'ami du commis, Jordan Camp, a été rapidement arrêté avec la somme d'argent et les items signalés par Siegel, ce qui a éveillé les soupçons des policiers. Lors d'une inspection de la vidéo de surveillance du dépanneur, les policiers ont pu voir et entendre Siegel et Camp comploter, puis Siegel donner l'argent et les items à Camp, qui s'est ensuite en allé. « On a fait le plan 15 minutes avant de l'exécuter », a affirmé Siegel. « J'ai agi comme si je ne savais rien. Ils ont juste regardé la vidéo et écouté l'audio et ils m'ont arrêté. » Les deux hommes devront servir 6 mois de prison. Mais ça, c'est un vol de dépanneur. C'est un vol de dépanneur. Si que j'aime ça, les vols de dépanneur. C'est moins 6 tout le temps. Tu sais, si tu fais un vol de dépanneur, si ça fait partie de ton plan de match, C'est cave. Tu sais, c'est vraiment, vraiment cave. Merci, Bruno. On va te revoir plus tard dans l'émission. Ben oui, donnez-y. Bruno Corbin. Ah ouais, hein. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Ça va bien, Tommy? Salut, Étienne. Ouais, ça va bien. Ouais. C'est ma fête. Pas de farce, hein? Ben ouais, ouais. Tu me fais encore le coup cette année? Ben, De voler ma fête à toi? Hein? Non, on a chacun ma fête. On a chacun notre fête. On a chacun ta fête. Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, Tommy, là, vu que c'est ta fête à moi, j'ai pensé t'offrir un vrai cadeau. Un vrai cadeau? Un vrai de vrai cadeau, man. Tu créeras pas à ça. Il y a une carte. Parce que pas de carte, c'est pas un vrai cadeau. Puis on sait tous que la carte, c'est l'affaire la plus importante d'un cadeau. Oui. Oh oui. Parce que, tout le monde sait ça. Parce que s'il y a du cash à avoir quelque part, c'est dans la carte. Fait que c'est pour ça que la carte, c'est important. Puis la carte est en anglais, Tommy. Fait que je vais te la lire vu que... Ah, oh, y a rien qui est tombé. Non. Fait que on voit ici hein, un dragon pour for birthday boy, tu sais, pour le garçon de fête. Et whatever you do, don't invite a fire breathing dragon to your birthday party. It takes all day to blow out the candle when they help. Happy birthday. C'est du manoté. Ça va, c'est le mur du musée. Là. Ouais, oui. Ouais, ben c'est ta quoi carte, c'est ton cadeau. Fait que il faut moi je la ramasse. Ben non, mais c'est ça fait partie de ton cadeau, c'est la partie importante. C'est toi. Ouais, ok, c'est bon. Puis, j'ai enveloppé un cadeau aussi. Ah? J'ai enveloppé un cadeau, mais... Tu sais, le papier d'emballage, là? Il y a comme quatre niveaux de papier d'emballage. Il y a le papier d'emballage neutre. Il y a celui pour les gars, celui pour les filles, puis celui de Noël. Des fois, t'as des variantes Noël pour filles, là, mais... Mais là, écoute, man, ce papier-là, là... Tu me donnes du papier d'emballage comme cadeau. Ben oui, tu le recycleras chez vous. Non, mais check, le castor joue avec sa queue. Oui, c'est vrai. L'arbre, il y a une gueule de bois. C'est vrai. Puis là, hibou, il a mangé champignons. Admire le papier, Tommy. On est dessus, là. Ouais. Bon. C'est quand même capoté. Ils ont mis des lunettes à l'araignée. Ouais, mais puis elle a un chapeau de fête. Moi, je pense que c'est comme une bibliothécaire cochonne. Genre. Il y a une souris qui mange un ananas. À l'envers. Ben oui, c'est vrai. Il est comme vraiment petit. C'est quoi l'affaire qui est entre les pattes du... c'est entre les pattes du renard, ça? Là. C'est une j'ai cocotte. J'ai aucune idée, c'est quoi. Ça a l'air piquant, là. C'est Mr. Sticks. On Mister continue, là. On va... Ah, enfin! Ben oui. Mais là, pensez pas que c'est facile de trouver un vrai cadeau pour Tommy. Ouais. On se calme. C'est aussi ma fête... Regarde, vu que c'est ma fête à toi, je vais le déballer. OK. Puis je vais te le donner après. C'est bon. OK. Mais avant de le déballer... Moi, il y a une affaire que j'aime, c'est les spoilers. Fait on va faire une course. Okay. Faut que tu le déballes plus vite que je te dise qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. Fait que c'est moi qui le déballe, finalement? Ouais. C'est long, là. Fait que c'est un film que Tommy a jamais vu. C'est un film de chien, des producteurs de Air Buddies. C'est un chien dont le maître, c'est un duc. Puis le duc, il meurt. Puis il donne tout son titre de propriété puis son titre de noblesse à son chien. C'est en trois langues. Hey, dedans, il y a Scotty dans Star Trek. Il y a Neville. Tu sais, le gars qui faisait... Le oui. Duc. C'est un film de chien que j'ai pas vu. Hein? Je pensais pas que ça se pouvait. Ah ben... Il est même pas au Club Vidéo Torrent. Fait que là, le chien, gars, il joue au croquet. Dites-moi où il est écrit dans le livre des règlements qu'un chien ne peut pas jouer au croquet. Merci, Étienne. Bonne fête, Tommy. Ben, merci bien, gros. Bonne fête, toi aussi. Ah. Oh. Va t'asseoir. Es-tu un fan de films de chiens, toi, Jean-Marc? Pas en tout. As-tu envie de devenir un fan de films de chiens? Quand t'en auras fini, si tu me le prêtes, je vais le regarder. Lendemain de veille, le matin. Tu vas apprendre des choses. Je suis sûr que je vais apprendre plein d'affaires. La dopamine le matin, il n'y a rien de tel. Non, mais en fait, je veux pas avoir l'air prétentieux, là, mais... T'as plus ça, toi, un lecteur DVD? Je l'ai dans mon... je pense que de tous les êtres humains qui existent sur Terre, hein, je pense que je suis le plus grand spécialiste de films de chiens qui existe. Fait que c'est ça, c'est mon claim. Amenez-les, les pseudo-spécialistes. Okay. Okay. Faudrait, par exemple, que t'écrives... Quel est le nom du couple propriétaire des 101 Dalmatiens? Ah, c'est bon, ça, je m'en rappelle pas. Mon nom, lui. Non, non, j'aurais pu dire les Jones, hein? Ouais. Absolument. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Salut tout le monde! On va se mettre à l'aise. Hein? Bonne fête, Bruno. C'est ça, oui. C'est ça. Bonne fête, Bruno. Merci. Salut, Tommy. Salut, Emmanuel. Ça va bien? Ben oui. Ah, on va y aller vite parce qu'on a un programme chargé aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé, c'est une surprise sur Facebook. Hein? J'ai peut-être un peu scrappé en taguant dedans. Hein? Mais ben oui, je ramène ma fameuse chronique dont vous êtes le héros que tu m'achales depuis qu'elle n'existe plus. Ah oui, pour que je la ramène. Ça. Ben oui, ben oui. Dans le temps de douteux.tv, je sais pas s'il y en a qui étaient là. Salut monsieur Dubarrage. Hello, hello. S'il y en a qui étaient là, ben oui, je faisais une chronique dont vous êtes le héros, mais là on va pas s'éterniser pendant 4 semaines là-dessus, on va tout faire ça. Là, live. Live, puis on va te donner le choix. C'est bon, j'aime ça. De l'option qu'on va choisir. Mais tu peux consulter les gens là, si tu veux. Je veux ça, si je veux. Puis le dernier mot t'appartient. OK. Alors, on va y aller sur ça. Gaetano se dirigeait subrepticement vers le donjon des Trublions. Il prenait garde à ce que chacun des pas qui le rapprochait des ruines sombres soit aussi discret qu'une mouche sur le front d'un ogre. Les informations qu'il avait obtenues d'un pauvre vieillard étriqué étaient fort prometteuses. Trésors et actes d'héroïsme l'attendaient assurément au bout du sinueux chemin. Le grand jour était enfin venu. Gaetano, le vulgaire fils d'un pêcheur, lui-même fils de pêcheur, lui-même fils de pêcheur, inscrirait son nom en lettres brunes dans les annales. Coûte que coûte, il deviendrait un héros. Qui sait, la vie d'aventure le pousserait peut-être à enfin aborder la jolie Brunilda, la fille du puisatier. Gaetano se laissait porter par ses rêvasseries lorsqu'il faillit buter sur une forme sombre et imposante au milieu du chemin. N'écoutant que son courage, Gaetano fit volte-face pour se terrer derrière un rocher et prendre connaissance de la situation à laquelle il était confronté. Devant lui se trouvait un homme dont la largeur des épaules aurait fait pâlir de jalousie un cadre de porte. Ce dernier était accroupi dans l'herbe longue et faisait dos à Gaetano. Heureusement, il semblait tellement concentré à observer les ruines qui se profilaient devant lui qu'il ne s'était pas rendu compte de la présence de Gaetano derrière lui. Il tenait dans ses mains larges, comme des poêlons, une imposante hache d'armes. Il semblait s'être recouvert de boîtes pour se camoufler dans la pénombre. Le subterfuge aurait sans doute fonctionné si ce n'était que l'imposant guerrier dépassait d'une bonne tête les brins d'herbe les plus longs et qu'une odeur fétide annonçait sa présence à quiconque était doué d'un organe nasal plus affûté qu'une roche humide. Gaetano pensa pour lui-même que cette boîte devait bien provenir d'un lisier putride. C'est de la merde. Pour tout dire, la discrétion devait avoir pris congé quand était venu le temps de bénir le gaillard. Gaetano tenta de se remémorer ce que le guide du parfait petit aventurier conseillait comme marche à suivre en pareille situation, soupesant la courte dague qu'il tenait en main. Que fera Gaetano? 1. Il profite de l'effet de surprise pour planter son poignard entre les omoplates du guerrier. 2. Il accoste l'homme préférant user de son charme ravageur. 3. Il contourne discrètement cet endroit pour poursuivre son chemin vers le donjon. N'écoutant que le courage de Gaetano, j'irai pour le 3, moi. All right. Laisse-moi... On va essayer de pas trop s'en mêler dans les affaires, là. Gaetano fit un long détour le plus discrètement possible pour contourner l'étranger tout en se dirigeant vers les ruines sinistres. Une fois à destination, il tenta de se repérer, selon ce que lui avait décrit le vieux de la taverne. Il reconnut rapidement la tour à demi effondrée qui était sans doute la structure principale de ce qui était connu autrefois comme le donjon des Trublions, cette troupe de mercenaires qui avait jadis fait les 400 coups, amassant un butin des plus enviables. C'est après quelques reliquats de ce butin qu'en avait notre roublard, mais il se rappelait également que la bande de Malfrats était dissoute au milieu de rumeurs, de cultes et de cabales démoniaques. Il s'introduit dans ce qui restait de la tourelle, apercevant des marches qui descendaient vers des ténèbres que la lueur blanche de la lune ne parvenait à éclairer. Que fera Gaetano? 1. Il allume une torche pour mieux y voir. 2. Il poursuit son chemin s'en remettant à sa bonne étoile pour se guider dans la noirceur grandissante. Ou 6. Il fait demi-tour et devient puisatier. Ça prend une porte de sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, le puisatier? Ouais, non, mais la torche, en même temps, moi. On pourrait continuer, mais c'est vrai que c'est la vie de Gaetano, on s'en fout un petit peu. Il était déjà mort, Renaud. Ben, il est mort après. Ouais, ok. Ça, c'est un prequel? Ouais, ouais, c'est le début de... Bon, ben, non, je prends la torche. La torche? Ouais. Okay. Gaetano craqua son briquet, allumant une des torches qu'il traînait dans son havresac. Repoussant les ténèbres, il s'engouffra dans l'étroit escalier. Il avait déjà descendu quelques niveaux lorsqu'il aperçut quelque chose de louche. La marche sur laquelle il s'apprêtait à mettre le pied était différente des autres. Elle semblait pouvoir s'enfoncer quelque peu, déclenchant quelconque piège prêt à trucider un aventurier insouciant. Gaetano décida de ne pas découvrir si un dard empoisonné, un éboulement de pierre ou une alarme retentissante était relié à la marche, se disant que l'ignorance était préférable à un savoir fatal. Il sauta donc une marche, redoublant de vigilance pour poursuivre son chemin. Il arriva finalement au bout de la descente, un corridor unique poursuivait le chemin et une lumière scintillait au bout de ce dernier. On est rendu là. Gaetano pénétra dans une large pièce éclairée de nombreux braseros. Le sol était recouvert de monceaux de pièces d'or et de joyaux luisants en périphérie, mais le milieu de la pièce était recouvert d'un pentacle étrange orné de runes qui donnait la nausée au roublard s'il se concentrait trop longtemps à essayer de les déchiffrer. Il n'avait en fait pas vraiment de temps à consacrer à la lecture, puisqu'au centre du pentacle se dressait une créature singulière. Une bête mi-homme, mi-lézard, sortie d'un autre monde, l'observait de ses yeux sauriens. Elle ouvrit la bouche pour vociférer. Gaetano pensait que la créature venait peut-être de se présenter, semblant être sa désignation personnelle. En tout cas, c'est ça qu'il avait compris. Elle tendit les bras vers lui, dévoilant des pattes aux griffes acérées. « Ça doit pas être évident de serrer des mains avec ça! » tentant de blaguer Gaetano, un peu nerveux. Gaetano, il fait des brousses. La créature siffla agressivement, le plan d'existence de laquelle elle venait devait comprendre aussi peu d'humour que de voyelles. Que fera Gaetano? Il lance sa gourde d'eau au visage de la bête et prend ses jambes à son cou. Il brandit sa rapière et tente de trucider le gardien du trésor. Il essaie de charmer. Il doit bien y avoir moyen de raisonner avec lui. L'autre comprendra, hein? Là, il lève les bras, mais ça veut pas... Il veut-tu un câlin, genre? On sait pas. Ok, on sait. Ouais, ben, il y a encore une... Le puisatier, il est trop tard. Il y a encore une option pour backup. Pour survivre? Ouais. Ok. Moi, je pense que le charme, c'est l'affaire que... Moi, j'irais avec le charme. Là. Ouais. Ouais. Tu l'as pas fait tantôt avec le gars qui s'emmarde, mais là, j'irais avec ça. On essaie le charme. OK. Je vais te laisser un mulligan, Tommy, parce que c'est ta fête. Oh, dis donc, c'est un beau tas de pièces d'or que vous avez là, lançant Gaetano, usant d'un sourire qui aurait fait fondre une livre de beurre. Certainement que, continua-t-il avant de voir l'homme lézard se lancer vers lui à une vitesse fulgurante, toute griffe tendue. Il tenta bien de se défendre d'un estoc de rapières maladroits, mais le visage de son adversaire était déjà aspergé d'un flot rouge et gluant. Gaetano gargouilla par sa gorge tranchée nette avant de s'effondrer sans vie dans un tas de pièces d'or. On est-tu rendu puisadier? T'as perdu, Tommy, mais je te laisse un continue. Bon, ben d'abord, c'est ta fête. Je te l'avais dit. Moi, je m'excuse. C'est vrai. Ah, mais d'abord, la rapière, on sort le kung-fu. T'es sûr? Ben, Oh oui. Ouais? Ben, OK, la gourme en pleine face, puis okay. On s'en va. cuisatier. N'écoutant que son courage, Gaetano s'empara de sa gourde pour en balancer le contenu au visage de l'homme reptile et créer diversion. Ce dernier se lançait justement à l'assaut, toute griffe tendue vers lui. Nimitzk, surpris par la manœuvre, s'arrêta net au contact de l'eau. Gaetano s'apprêtait à profiter de ce répit pour détaler lorsqu'un cri perçant s'échappa de la bête dans son dos. Il se retourna pour constater que cette dernière se tortillait de douleur au contact du liquide aqueux et une fumée nauséabonde se dégageait des endroits de sa peau écailleuse qui brûlait comme par de l'acide. Remerciant sa bonne étoile, Gaetano mit fin aux souffrances du saurien d'un habile estoc de sa rapière. De quoi? Estoc? Putain! À la fin de l'envoi, je touche. Voilà. Alors qu'il remontait l'escalier par lequel il était venu, le sac rempli de tout l'or qu'il avait pu transporter, les poches pleines de pierres précieuses, il enjamba le corps sans vie du guerrier qu'il avait croisé plus tôt. Ce dernier était enseveli sous une avalanche de pierres, sans doute provoquée par le piège qu'il avait précédemment évité. Ah, la vie d'aventurier n'est pas faite pour tout le monde, pensa-t-il. Retournant vers le village en sifflotant, il pensait déjà à Brunilda et tous les cadeaux qu'il pourrait lui acheter avec son trésor. Elle n'aurait d'autre choix que de le remarquer maintenant. Enfin, oh, ça finit bien, merci! Ça finit relativement bien. Ouais, quand on sait la suite. Merci Emmanuel, de toute beauté. Et disais-tu un fan de ça, tous les livres dont vous êtes le héros, ces affaires-là? Non. Pas de science-fiction, Pulp Magazine, puis des comic books, là? T'es-tu trop jeune pour Bob Moran, toi? Ah, il est hot, Bob Moran. Sais-tu pourquoi il n'y a pas eu encore de film? Parce que c'est gay, en esti. Ah ouais, Bob Moran pis Bill Ballantyne, ils dorment tout le temps dans la même chambre d'hôtel. T'es-tu en train de me dire que je suis gay, là? Non. Ben non, on peut aimer ces affaires-là. Il est pas en train de te le dire, mais c'est ça, là. Qu'on en jase. Je pense que oui. T'es marié, fait que tu peux pas être gay si t'es marié à une femme. C'est vrai. Ça. C'est logique, c'est un fait connu. Merci Jean-Marc. Je pense qu'on va continuer au prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Humanité, écoute. Bon an, mal an, plus du cinquième de la population terrestre en est victime chaque année. Ça m'est arrivé. À moi aussi. Trois fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs, vous écoutez 70%, puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Bonsoir, ça va bien? On a survécu, on est riche! Eh ben oui! Brunilda! Ah oui? Ah oui. Ok. T'es venu nous parler? Je vais vous parler d'un jeu que j'ai joué dans les dernières semaines. Je n'ai parlé un peu sur douteux.org, sur la page Facebook. En fait, moi, ça va faire 2 ans que je suis musicien à temps plein. Mais avant ça, j'ai déjà fait des vrais jobs. Genre, ce qu'on se considère comme des vrais jobs. J'ai même une preuve, tu vois, quand j'ai amené ma chemise quand j'étais mécanicien. Ben oui, j'ai déjà été mécanicien pour de vrai. Quand j'ai travaillé chez Kerry, tu vois, mon nom, il est là. J'ai même été boss chez Target. Tu vois ça? Hey, ça a dû durer longtemps. Hey, ça a été ma plus longue job ever. Ouais. Mais le pire, c'est que je suis parti avant que ça ferme. Fait que je suis pas pire, tu sais. Je suis pas si pire que ça. C'est ça le pire. Non, c'est ça. Fait que je voulais comme me ramener dans le temps que j'avais une vraie job, tu sais, que ce qu'on appelle une job dans, selon la société. Fait que je me suis mis à jouer à Street Cleaning Simulator 2011. Wouh! Sérieusement. J'aurais pas pu trouver pire que sérieux comme job, hein? C'est déjà au départ, ce qui m'a surpris, c'est que ça prend quand même une astide bonne machine pour runner ça, tu sais. Déjà au départ, ça coûte cher, ces machines-là, ces jeux-là. Fait que tu payes beaucoup pour faire une job, finalement, chez vous, dans ton salon, tu sais, c'est super cool. Mais tu sais, c'est très simulateur, hein? Fait que, ça a l'air que en plus. Ça a l'air que dans le monde des laveurs de rue, tu reçois tes jobs par email. Fait que tu commences, faut que t'ailles chercher ta job par email. Après ça, faut que t'ailles dans ton garage, aller chercher ta machine. Puis là, t'as toute une espèce de gros training là, qu'il y aurait normalement. C'est comme le fun une demi-heure. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai déjà chauffé des lifts dans des shops. Puis c'était le fun une demi-heure, tu sais. Ouais, au début, t'es là, puis hey, c'est cool, je chauffe un lift. Après une demi-heure, t'es à ce petit job de merde. Hein, je fais tout ça en même affaire. Fait que, en gros, le jeu, c'est va chercher tes emails, va chercher ta job, va te cleaner ta rue. Là, tu vas ramasser de l'argent. Là, avec cet argent-là, tu peux t'acheter une plus grosse machine pour après ça aller laver plus de rues. Puis après ça, acheter une autre plus grosse machine pour aller laver les plus grosses rues. Un street cleaning PG. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. J'aime beaucoup Jean-Marc, la... Jean-Marc, il y avait une non, question. Non, mais c'est vrai. Puis on s'entend que comme les conducteurs sont stupides dans ce jeu-là. T'sais, ils arrêtent, mais si toi tu recules, par exemple, eux autres, wow, wow, wow, s'ils te rentrent dedans, puis t'as pas le droit de reculer dans le jeu, selon les conducteurs. C'est ça, tu peux acheter d'autres machines. C'est plate après une demi-heure. Finalement, je me suis dit, je me posais des questions. Est-ce que je suis heureux pauvre? Finalement, je suis fucking heureux pauvre, pour de vrai. Là. Fait que là, il y a comme plein de emails qui dorment dans ta boîte. Il y a plein de emails qui dorment dans ma boîte du jeu. Non, je l'ai désinstallé. Non, oui, c'était à chirant. Puis le pire, c'est que je voulais faire comme un wrap-up de toutes sortes de simulateurs de jobs. Puis finalement, je me suis tanné après ce jeu-là. Mais t'as commencé avec le meilleur quand même. Ben ouais, mais tu sais, je me suis dit, tant qu'à y aller, on va y aller, tu sais, jusqu'au fond. Non, mais attends un peu, ça me chicote, là. C'est vrai, ça, là? Oui, c'est vrai, ça. Ouais, ben là, c'est parce que... Non, mais j'ai déjà vu un simulateur de conducteur de train. Oui, oui, Train Simulator, il y a comment tu sais, je veux dire, il y a une track. Oui. Ben c'est ça. On, off, c'est tout. Ben c'est ça, c'est la même... Ça, c'est... Tu vas dans le garage, puis là, t'as le numpad, là, sur ton clavier. Fait que là, 1-3 en même temps, ça descend la brosse de droite. Après ça, 5-6, ça va prendre la brosse de gauche. Fait que c'est compliqué, là, comme dans la vraie vie. Tu sais, quand c'est plate. Comme dans la vraie vie. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Comme dans Shenmue, là. Ouais, comme dans Shenmue. Comme dans Shenmue. Il est écrit dessus, là, tu sais, il y a tout le temps comme un tagline des fois, ouais. Là. Ben, tout le temps, des fois. Et là, à la place d'être écrit tout thumbs up, il est écrit Keeping the streets clean. Ouais. Ouais. c'est ça que tu vas faire. Ben, ouais. C'est ça, hein, ça se résume. En fait, c'est ça. T'sais, en fait, tu dis cleaning de street, tu spoil puis tu résumes. Finalement, c'est... Opening your email. Mais au moins, exactement. Moi, je dirais, par exemple... Visiting your garage. On parle souvent en publicité d'embellir, en fait... La chose pour la rendre plus attirante à un public cible. Ouais. Mais parfois aussi, on parle de truth in advertisement. Et je dirais que ça, c'est la pochette qui me donne le moins le goût de jouer à un jeu de toute l'histoire des jeux fou, vidéo. C'est fou, hein? C'est fou. On parle ici de truth in advertisement. C'est ça, ouais. Mais puis en plus, tu pourrais te tromper avec un catalogue d'une compagnie, genre de machine. Tu sais, la manière que c'est... On dirait un catalogue d'une compagnie de machine. Elle est pas pire, la machine, je trouve. Ben, oui, c'est une belle machine. C'est une belle machine. Elle est neuve. Ouais. Ça me j'aurais envie de jouer à ça. Moi, ouais, j'avoue. Ah ouais, une demi-heure. Je te mets au défi. J'ai déjà l'uniforme. Tu sais, j'ai rien qu'à voir. Je te mets au défi. Okay. Puis, il te le donne, je pense. Okay, moi, je m'en remets encore, là. J'allais voir mon psy, j'en ai parlé. Non, je sais, j'amène pas de jeu avec moi. Moi, je suis plate de même. La dernière fois que j'ai emmené un jeu, je l'avais cassé à un Noël. Fait que, c'est vrai, c'est ça le pire. Hein. Merci beaucoup. C'est tout, c'était juste pour parler d'un jeu plat. Merci. Ça avait l'air assez visqueux, effectivement. Ah, ça précise. C'est quoi la pire job que t'as eu, toi? McDo. Ah ouais, hein? Ah, facile. Non seulement c'était à pied, mais c'était la plus difficile. Moi, j'ai travaillé dans la construction en hiver à Rouyn-Noranda, OK? Ah, je viens de là, man! T'es-tu sérieux? Ben oui! La polyvalente à Rouyn. Ah, arrête donc! Ben oui, j'ai travaillé là-dessus. C'est toi qui as fait ça? Oui, madame. J'ai eu les... Puis en plus, mon père, puis Zapia, c'était le contracteur général. Fait que moi, il me donnait tous les pires jobs, comme aller travailler la nuit, là, pour faire fondre la neige dans les coffrages de la piscine, tout ce que tu voudras. McDo, c'était bien, bien pire. Colin, hein? Très, très dur. Là, on parle de quelle année tu as travaillé au McDo? 78, 79. Hey, c'est capoté, ça. Je suis né en 78. Capoté. T'as une job au McDo d'avant sumo et d'eau. Oh, yes. Et un hit planétaire aussi, là. Une coupe d'enfants, j'ai entendu dire. En tout cas, on parle pas de ça. Next! Next. Next. We'll be right back. Bonsoir, Oman. Bonne ta fête. Ben, bonne ma fête. Merci beaucoup. Je suis très content. C'est la première fois que je peux être à ta fête. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je pense vrai. Que t'es assez vieux maintenant pour que je puisse te dire pourquoi je t'ai pas à tes autres fêtes, Tommy. Oui. C'est parce qu'on se connaissait pas. non seulement ça, en fait, mais je me connaissais pas moi-même. Ah ouais, hein? En fait, jusqu'à récemment, j'étais persuadé que j'étais Anna Palmer, la directrice du FBI. C'est pas le cas. Alors, cette semaine, je t'ai préparé un guide d'achat de haut-parleur Bluetooth. On est prêt. Prêt? Je pense que Bruno prend des notes. Parce que j'ai remarqué que dernièrement, on parle beaucoup de Gabriel Nadeau-Dubois dans les nouvelles et pas beaucoup de haut-parleurs Bluetooth. Même si au Québec, il se vend beaucoup plus de haut-parleurs Bluetooth. Que de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc après ça, il paraît qu'il n'est pas vendu à date, lui. En plus. C'est beau. Ça reste un... Qui sait? On parle pas de politique le jour de ta fête. Des fois. Mais on peut arrêter là. Bon, parle-nous de Bluetooth. Donc c'est ça. Le Bluetooth, premièrement, ça tient son nom de Harald Ier, du roi de Danemark, n'est-ce pas? Dit la dent bleue. C'est de là que ça vient parce qu'il tenait sa hache de guerre à deux mains. Donc il avait bien de la misère à parler au téléphone en même temps. À l'époque. Et puis voilà. Il a fallu que le problème a été réglé 1000 ans plus tard. En 94, donc pas de regret pour Harald. C'est pas comme s'il était mort un an trop tôt. Et que l'année d'après, il aurait pu s'en sortir. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui vont poser la question, tu sais, si j'ai pas de téléphone intelligent, si j'ai déjà des haut-parleurs traditionnels, est-ce qu'il faut que je m'achète un haut-parleur de Bluetooth? Oui. Ça, c'est réglé. Je dois dire que je connais pas beaucoup de choses, en fait, à la musique en général. Parce qu'au FBI, on écoute juste du Red Hot Chili Peppers. C'est tout ce qui passe. Donc, la principale dichotomie dans le monde du haut-parleur Bluetooth, c'est évidemment entre le son et le design. Il y a des gens qui préfèrent l'un de l'autre. Moi, je suis plus de l'école du son, personnellement. On parle de volume du son et des autres aspects du son. Il y en a d'autres. Ben mais oui, comme je te dis, pour les Red Hot Chili Peppers, ça se résume au volume. Ouais. Je connais pas grand chose d'autre. Mais ce que je peux recommander, en fait, c'est d'aller en magasin pour tester la qualité du son. Mais après ça, c'est sûr qu'en magasin, il y a du bruit. Donc, ma recommandation, ce serait d'aller sur Internet et de regarder des reviews de haut-parleurs Bluetooth pour savoir c'est lequel le meilleur. En fait. Ou de s'abonner à Protégez-vous. Pour du contenu en français, des fois c'est plus simple. Ils ont tous des dossiers sur tout, Protégez-vous. Donc voilà, ça résume l'aspect son. Maintenant pour l'aspect design, Protégez-vous en parle pas beaucoup, de ce que j'ai compris. Le seul commentaire qu'ils donnent par rapport au design, c'est d'éviter les haut-parleurs Bluetooth qui sont extrêmement coupants. C'est pas commode du tout. Mais en même temps, c'est un peu de base comme conseil. Mais on a eu une nouvelle qu'il fallait pas mélanger l'électricité puis l'eau. Non, c'est ça. Ben exactement. Donc, tant qu'à ça, je vais rajouter à l'information. Je dirais de pas prendre ceux qui sont extrêmement brûlants. extrêmement misogynes. Ouais, c'est ça. Extrêmement colonialistes. Ouais. Extrêmement contagieux. De quoi que ce soit, vraiment. fait que ça ressemble à ça. Ensuite, c'est sûr que ce que j'ai remarqué en les regardant là, je voulais comme vous donner des recommandations de haut-parleurs lesquels acheter. C'est un peu ça que ça sert. Mais j'ai écrit aux compagnies pour leur proposer de faire de la pub en échange de haut-parleurs. Puis il y en a pas une qui m'aurait écrit, fait qu'ils mangent la marde. S'arrangeons sans mon aide. Tu sais. Mais le point central de ma chronique, Tommy, c'est que il y a beaucoup de haut-parleurs qui sont résistants à l'eau. Puis il y en a beaucoup qui vont dans l'eau. Et ça, ce n'est pas la même chose. Et c'est un peu la même chose, la même différence qu'entre un sous-marin et un sous-marin. Dans le sens qu'il y en a un qui va dans l'eau, puis il y en a un qui est résistant à l'eau, mais pas tant que ça, en fait. C'était pas une très bonne comparaison, hein, maintenant que je l'explique. Je l'aime. OK. Mais bon, donc j'en ai acheté un qui va dans l'eau. Et mon dernier conseil, en fait, c'est de bien faire attention parce que ça veut pas dire qu'ils vont dans l'eau. C'est pas parce qu'ils vont dans l'eau que ça veut dire qu'ils savent nager. C'est vrai. Et ça, personne le dit. Donc sur ça, je vais essayer de retrouver mon mad job au FBI parce que pour vrai, en technologie, je connais rien. Bonne fête, Tommy. Merci, Octave. Octave! Ah, ça brille. Es-tu gadgeteux un petit peu, toi, Jean-Marc? Non, pas vraiment. Ces affaires-là. Juste l'essentiel. Ah ouais, hein? Ouais. Tu magasines en ligne, fait que là, tu sais mieux où tu t'en vas, tu cibles tes besoins. Non, je fais comme lui, je vais chez Best Buy. Ah ouais. Puis je les teste. J'ai teste. T'as-tu ton petit seal of approval? Bien sûr. Ah, j'aime ça, j'aime ça. T'es cool, toi. Là, on est rendu à un invité très spécial de notre spectacle. C'est quelqu'un qu'on pensait pas avoir. C'est une des surprises de la soirée. Un Européen, un professeur, Monsieur Fabrien Gabriel de Paris Bredondenne. Voilà qui s'amène maintenant, oui. Pas la musique pour tout de suite. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur Gabriel. J'aimerais tout d'abord remercier tout le monde d'être là, parce que je trouve ça vachement important. Je sais pas pourquoi. Premièrement, c'est une journée très spéciale pour toi, Tommy. Je sais que c'est la première communion de ton fils. Bravo. Pour l'invité, Jean-Marc, on se connaît bien. On s'est rencontrés dans le nord de l'Italie, sur la côte d'Azur, en Tchécoslovaquie, et on avait écrit une chanson ensemble. Tu as toujours beaucoup aimé les histoires, et tu avais fait cette super chanson à propos de Tintin. Tu chantes comme une fiotte. À propos, Tommy, tu te souviens, j'étais à Paris, Bredondenne, et j'avais besoin d'une guitare, enfin, pour séduire une fille. Et puis, sans parler, sans dire, voilà, comme ça, t'avais aucune corde sur ta guitare, mais tu me l'as prêtée. Et j'étais allé chanter dans ce club à Paris qui s'appelle Alice Réglisse, et j'avais aucune corde sur ma guitare. Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur. Voilà. Ce soir, j'aimerais faire un hommage à un ami, enfin, des amis, je n'en ai plus beaucoup, un frère, un partenaire, un soldat, et aussi un enfoiré de merde. Et avant que j'aille me pioter, parce que... Enfin, j'avais écrit une chanson, et cette chanson est très importante parce que elle est vraie. Mais si tu crois qu'elle est vraie, eh bien, t'as tout faux. Parce que c'est pas si important que ça. Donc, le titre de la chanson, c'est « La vie en rase ». Et moi, ça me blase. Alors, si tu peux envoyer la musique, là, tu peux pas te tromper. C'est une chanson, voilà, qui parle de toutes, enfin, toutes. C'est une balade, même pas, sans musique, ouais. Tu me dis que tu aimes la vie, alors c'est pas facile, non. Toi, t'es pas docile, ah ça non, ouais. Ça, c'est comme ça, parfois, non, mais... Oui, ça fait comme ça, mais pas pour un rien, non. Alors oui, parfois, voilà, ça stagne, comme ça. Faut célébrer, champagne. Ouvrir la flûte au sabre. J'ai pas fini ma phrase. La vie en rase, ouais. Terminé. Là, c'est plus parler. Dans la vie, parfois, l'ombre et l'animal. Dans le même couloir, sur les murs, boudoir, sur les murs, rasoir. Les occasions fusion sont rares si on saisit la leçon, ouais. Mais non, normal, dans les parages, les garages, y'a une odeur. Et personne, et tout le monde, et le monde caché s'en va venir, vient du ici. Il est taré, le gars, tu vois, il rase. La ville en rase, la vie est belle sous les étoiles de Beth. Et la voix moche comme la paille à la crèche, en rase, vois-tu, voilà, à moitié seulement, à demi, oui. Ouh. toi, t'es pas docile, non, ouais. Ça, c'est comme ça, parfois, non, mais ça fait comme ça, ouais. Alors, parfois, voilà, ça se tingue. Faut célébrer, champagne, ouvrir la flûte au ça. J'ai pas fini ma phrase, la vie en rase. Alors dans la vie, plus loin faut aller, improviser, pas loin. Ah, c'est terminé, merci. Donc voilà, bon anniversaire Tommy. Et bon, si tu veux toujours faire ce vidéo avec moi, eh bien faudrait que tu m'appelles. Faut dire j'ai plus le téléphone, mais tu peux toujours passer par ma concierge. Je suis là entre midi et 4h. Merci, monsieur Fabrien Gabriel. On n'a pas parlé du vol, hein. C'est abristi. Je trouve pas qu'il ressemble à Renault. Oui, eh ben, il ressemblait à beaucoup de. Il y a un beau melting pot, mais effectivement. Ben, grande Renault, influence de Renault. As-tu déjà joué avec Renault? Non. C'était pas une affaire de langue, c'était une affaire d'odeur. C'était une affaire d'alcool. Ouais, hein. Sinon, de boxe, quand même, il me semble qu'il y a Marie-Carmen qui a été choriste pour vous. 5 ans, Marie-Carmen. Il y a Kathleen aussi. Non, Kathleen, okay. Juste une soirée. Sash Jordan. Oh, oh, oh! Sash Jordan a été avec nous pendant 6 ans. Ça apprécié, hein? Marie, qui d'autre? Il y a eu Martine Sinclair aussi. Martine Sinclair qui jouait together. Sur Closer Together. Ouais. Ça apprécie, t'étais bien entouré, hein? Ça a l'air de la musique. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Qui c'est qui vient de la Ferté sous joie? Simon Cussonnet! Qui veut la job à tous les Québécois? Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Engagement! Engagement! Bonne fête, Tommy! Merci beaucoup! C'était Simon Cussonnet, ben oui! Et d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne ma fête, encore une fois, si ça n'a pas été fait. Comment tu vis ça, ton 70%, Jean-Marc? Ben, premièrement, moi, j'ai une question, pourquoi? Oui? Pourquoi 70%? Ben, en fait, c'est un petit peu la... On est des archiveurs et... Pourquoi 70%? Parce que c'est l'équation de l'humanité. Tu sais, nous, on aime mieux faire de quoi puis l'améliorer. On vit C+. Fait comme ça... Tu mets la barre plus bas. C'est ça. Fait que là, il y a un show chaque lundi depuis 10 ans grâce à ça. On n'est pas en train de se casser le bétique. Et puis... Puis pour répondre à ta question, je pensais pas que j'aurais me cramper comme ça toute la soirée. Ah ouais? Vraiment, ouais. À date, ça va pas pire. Ça va vraiment pas pire du tout. Ah ouais? Puis il boit même pas, lui. Mais non, en plus. Ah, d'ailleurs, je veux une bière, moi. Puis on passe au prochain. Ah ouais, j'irai pas par 4 chemins. Allez chier, calice. C'est comme ça. Non mais on le dit pas assez, mais si on va chier, ça permet de faire manger de la marde à d'autres mondes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu parlais tantôt, Tommy, du bar de peanut en dessous du blacklight. La quinine, c'est un truc qu'on met dans le tonic qui donne un goût amer. Et ça, en plus d'être très, très, très toxique, ça fait la même chose, ça brille dans le noir quand tu le mets avec le blacklight. Okay. Fait que bon, essayez ça à la maison. Ah, des gin tonic au blacklight, c'est vraiment... Ça, c'est écœurant. Moi, je suis un gros buveur de gin, mais c'est pas pour ça que je suis ici ce soir. Savais-tu que les étoiles de mer, Tommy, ils ont un seul trou pour manger et chier? Oui. Même ils sortent leur estomac. C'est capoté, bien oui. Raide. C'est vrai. Ouais. Cette semaine, ma psy... cette semaine, ma psy, elle me dit que... Tu sais que c'est pas parce que t'as eu une mauvaise expérience avec une personne que ça va être ça avec d'autres mondes. Hein? Tu sais, comme mettons, ta blonde, elle te trompe avec un bébé samouraï. Une manière polie de le dire. Ben, la prochaine fois, ça se peut qu'elle te trompe avec un humoriste de la relève. Hein? Et ça, un humoriste de la relève, c'est normal que ça t'arrive. Là, il y en a tellement des hosties d'humoristes de la relève, là. On est tous un peu humoristes de la relève. Un peu. Et puis bon, mais moi, Moi, je savais pas trop ce que ma psy voulait dire par là, mais mon fils, il me l'a confirmé. Il m'a dit, papa a raison. C'est pas parce que t'as une expérience mauvaise avec quelqu'un que ça va toujours être une mauvaise expérience. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai rencontré une femme il y a une couple d'années. Elle était vraiment cool, elle était cultivée, drôle, mais au lit, elle faisait toujours l'étoile. L'étoile de mer. Fait qu'à un moment donné, on était en train de faire l'amour par en arrière. Et j'ai senti que son orifice anal essayait de m'absorber. Pourquoi? On voit que t'étais focus, hein? C'est... Non, non, mais j'en sentais. J'ai complètement paniqué. Moi, j'ai jamais su si c'était une véritable étoile de mer, hein? C'est-à-dire, il y a une espèce d'expérience bioterroriste là, qui s'était échappée d'un laboratoire et qui voulait juste se nourrir. Là, t'sais. Ou si j'aurais peut-être pas dû être sur le buvard pendant qu'on faisait l'amour. Ça, Tommy, on le saura jamais. Mais non, mais j'ai coupé tout contact, mais j'en ai... Tu sais, tu coupes tous les contacts, mais en même temps, t'en apprends un esti de paquet sur les étoiles de mer, tu sais. Et mon père, il disait « Une pierre, deux coups. » Hein? Bon, lui, il parlait de comment tuer un homme dans la forêt. Mais je pense que ça s'applique aussi aux étoiles de mer. Et c'est tout ce que je voulais te dire, hein, parce que je prendrai pas plus de temps qu'il m'est offert. Hein, c'est tellement une belle tribune. Je suis d'accord. On n'est pas pire. Ouais, ben c'est parce que c'est ça, hein. Moi, cette semaine aussi, c'est ma fête à Tommy. C'est vrai? Ouais. Le 22 mars. C'est vrai. Je suis né là, dans une grosse tempête de neige en 82. Moi, je suis un cas de siège. C'est-à-dire que j'ai montré mes fesses à l'humanité en premier. Tu fais-tu le lien avec le début de ma chronique? Allez chier. Tommy, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour ma fête? Je t'offre. Attention. OK. Tu vois-tu? Prends-les. Prends-les. Et voilà. C'est un mini-éléphant. Yeah! Ah oui! Regarde, mets-y le micro, toi. C'est un éléphant. Bon. Fait que, ben, c'est ça. Je veux pas grand-chose d'autre à faire. Non. Merci, Mathieu. Allez chier. Jean-Marc va ramener l'éléphant dans le nord qui dit capoté, ça va bien à date. Hein? Ben, je le ramène pas chez lui, il m'a mordu. Ouais, j'avoue. Ouais, tiens, va voir Bruno. Hey, let's go au prochain, on est capable. On danse. Kevin. Ah. Hey, bonne fête, Tommy! Ben, merci, Kevin! Hey, excuse-moi d'arriver à la dernière minute de même. J'étais à la mairie à Saint-Donat. J'étais allé déposer une plainte contre Martial, le gars des loisirs Saint-Donat. Il est rendu qu'il me fait des menaces. Il m'a dit « Hey, toi, j'étais allé, check tes flûtes parce que si tu respectes pas la loi Martial, tu vas manger un coup d'or Martial. » OK, oui. Hey, cave, ce gars-là. Fait que là, je suis venu vous parler de Martial aujourd'hui. Hey, c'est drôle, t'as ressemblé au chanteur de The Box, mon groupe préféré. Hey, c'est capoté, je parle tellement de The Box tout le temps, je suis rendu que j'hallucine. Putain, le dosage était correct quand je suis parti. Mais c'est vrai que tu parles beaucoup de The Box depuis qu'on te connaît. Hein. Ça, puis de fromage. Ça doit être un cosplayer, ça. Un cosplayer. Ça doit être un imitateur de The Box. Voyons donc. Ça se peut pas. Ah, fuck, j'allais dire quelque chose de drôle, mais... C'est qui l'acteur qui joue le joueur de taxi, là? Voyons, c'est quoi son nom? Patrick Huard. Tout le monde dit... Hey, t'es-tu Patrick Huard? Mais t'es qui? T'es... Bah... Oh, c'est lui. C'est moi, Patrick Huard. Oh, ouais, c'est lui. Attends, let's get closer together, faut que je te touche. C'est... Ouais, tu reconnais la poigne, hein? Bonjour, votre honneur. Hey, il y a donc bien du monde ici. Qu'est-ce que je fais là? Je suis qui, moi? Kevin, j'aime le fromage. Hey, c'est Jean-Marc. De Box. Hey, toi, mêle-toi-en pas. OK, arrête de rire de moi. Puis retiens-toi un peu, maudite folle. Mais je veux une autographe, Gisèle, la girafe. Ah, maudite débile. Ouais, un peu de retenue, il n'y a pas juste ça à faire. Si, bol. Hey. Moi, je pensais venir parler de Martial, là, mais là, je vais parler de The Box. Ben, let's go. Maudit Hérode. Hey, moi, là, I will always remember, hein, ma mère, elle me le disait tout le temps. Puis ma mère, elle me le disait, puis elle me le dit, c'est to me, mom, c'est to me. All the time, elle me le disait en plus, ma mère. Moi, elle me l'a dit, en 84, tu vas voir, The Box, ça va être le plus gros band au Québec, puis après ça, le plus gros band au Canada. Pas raison. Moi, l'affaire du Moutier, quand c'est sorti, là, je capotais bien raide. Parce que moi, j'écoutais la musique quand je m'en allais m'endormir. Puis, un moment donné, j'entendais « Coupable! Pour cause d'aliénation mentale! » Puis là, je capotais bien raide. Puis là, j'allais revoir ma mère. Je dis « Mais, peux-tu me coucher avec toi? Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? The Box, ils me font peur! » La maudite tune de The Box. Mais après ça, j'ai appris à l'aimer. Moi, je suis devenu fan de The Box, comme ma mère. Hein. Puis, moi, là, quand j'avais 11 ans, là, sais-tu quoi? J'ai pogné. Hein, ben ça. La première fois que j'ai pogné les faufounes d'une fille, là, c'était ma blonde Nadia à la disco des loisirs Sacré-Cœur. Puis c'était sur quoi tu penses? Salut Nadia! Sur Closer Together. Non, Temptation. Ah, pas fou. Hein? Puis sinon, moi, là, j'ai un ami. En fait, c'est une connaissance, Pierre Duquette. Tu viens de Pierre Duquette à Saint-Donat? Ben, pas toi, toi, tu le connais pas, c'est sûr, mais toi, tu t'en souviens? Oui. Ben ouais, oui, Pierre Duquette. Ouais. Il est connu comme Barabbas, maudit Hérode. C'est sûr. Bon, Pierre Duquette, quand on était jeune, moi et Pierre Duquette, on a une compétition depuis qu'on est jeune, puis quand on était ticu, on a appris que lui, son beau-frère, parce qu'il y a une grande sœur, OK? Son beau-frère, il y a un cousin. Puis ce cousin-là, c'est le claviériste de Bondoc. Puis c'est hot en crisse. C'est nous autres, si on capotait, c'est le gars, c'est qui une parenté avec Bondoc. Ouais, OK, ouais. Mais là, moi, je me disais, hey, t'aimes-tu ça le fromage, toi? Oui. Si je te donne ma dose personnelle de fromage, puis que je t'en promets d'autres, parce que moi, j'ai des bonnes plugs, hein. C'est très gentil. Ça, c'est ma dose personnelle, mais t'es Jean-Marc Pissapia, tu sais, je veux dire, je te donnerais la lune, moi, tu là. Tu lui donnerais la meule. C'est ça. Mais là, Pierre Duquette, tu sais, c'est le gars le plus hot en ville, c'est sûr, si, il y a de la parenté à quelque part avec le gars de Bondoc. Puis là, moi, je me demandais, est-ce que je pourrais être comme le sixième membre de The Box en horaire? Moi, je pourrais être castagnettiste, trianguliste, n'importe quoi, là, moi, je joue n'importe quoi, parce que moi, là, ça serait super bon pour moi pour trois choses. Premièrement, ça me rapprocherait de Sass Jordan, mon rêve de marier Sass Jordan. De deux, ça va scier les jambes à Pierre Duquette ben raide quand que le monde à Saint-Donat, ils vont me regarder dans la rue, ils vont dire « Check, c'est le gars de The Box! » Tu sais, je suis déjà le gars de Street Fighter, mais tu sais, sinon je suis un gars ordinaire, tu sais, « We are ordinary people. » Ah, c'est ça. Hein? Mais si je deviens le membre de The Box, là, automatiquement, Pierre Duquette, il va être complètement anéanti. Non seulement ça, Clément, au dépanneur Clément. Encore, ben oui, Clément. Il va arrêter de m'empêcher de quitter des 25 cents. Pour jouer à même qu'il va aller, il va aller plus loin que ça. Moi, je suis sûr qu'il va mettre une pancarte en avant de son dépanneur qui va dire « Venez serrer la main et vous faire quitter un 25 cents par un membre de The Box. » Parce qu'à moi, ça va me donner toute la crédibilité du monde, fait que... C'est ça. Mais tu peux plus t'améliorer à Street Fighter, anyway. Ben non, je suis champion depuis 97. Ben je clenche ouais. Toutes les jeunes. Si vous avez des jeunes ou vous avez des cousins qui sont plus jeunes, envoyez-les au loisir Saint-Donat à machine de Street Fighter. C'est moi le champion depuis 97. Puis si vous avez un 25 cents à me donner, ce serait cool. Je pourrais passer deux heures à planter tout le monde. Ouais. Je pense que... Sinon, ben, je suis bien content d'être ici parce que là, j'ai rencontré une idole. Ben oui, certain. Là, vrai. Il manque juste à rencontrer le gars de Bondoc. Puis après ça, Ivan the Man Without Hats. Puis je vais être le gars le plus populaire sur la planète. C'est sûr. On te souhaite ça, non. Kevin. Saint-Donat, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin, mais c'est le fun. Merci, Kevin. Merci à vous. Merci, votre honneur. Avec plaisir. Je capote. Je suis venu. Non coupable. Bon, ben, merci Kevin. On arrive à la fin du show, tout capoté. C'est moi qui vais faire le VJ après. Je sais pas si t'es au courant de ce qu'on fait ici. À peu près, ouais. Ouais, là, tu sais, tantôt on écoutait des Plastic Man, là, mais tantôt on va avoir un set de VJ. C'est moi qui ai préparé 2 heures de petits clips. Et puis, ben, je sais pas si tu vas passer une partie de ça avec nous. Absolument. Parce que sinon, on arrive au bout de 70% tranquillement. Je sais que c'est difficile de le laisser aller, mais à un moment donné, faut canner ça. Ce qui me fait dire, invite le technicien au dernier chroniqueur. Hein? Dis, on est prêt pour le prochain. On est prêt pour le prochain. On laisse exploser nos toits. Maintenant, les manchettes internationales avec Bruno. Quand on va exploser nos toits, ça va être là. Oh, il y a eu de l'écho pis tout dedans. En Virginie, Léol Youssef, 21 ans, venait de cambrioler une maison. Lorsque le propriétaire est arrivé, il a décidé de sauter du balcon du 2e étage. Le jeune homme a ensuite pris la fuite, laissant des traces de pas dans la neige alors que le propriétaire a appelé la police. Quelques minutes plus tard, le 911 a reçu un appel de Youssef demandant de l'aide parce qu'il s'était cassé une jambe. Rapidement, la police a découvert que Youssef était le voleur en connectant les traces de pas dans la neige des deux bords. Il recevra ses accusations lorsqu'il sortira de l'hôpital. Et finalement, on a le Guinness Gate! Dan Olson, le propriétaire du Railtown Café à Vancouver, s'est réveillé mardi en trouvant une pléthore de tweets enragés venant de l'Irlande. Il semble que la photo qu'il avait utilisée pour attirer les gens dans son bar pour la Saint-Patrick contenait une pinte de Guinness mal versée. Comment mal versée? Au point de causer un tollé où les gens en tabarnak insultaient le café et demandaient même à la compagnie Guinness de ne plus fournir le bar en bière. Olson s'est excusé plus tard dans la journée, publiant une nouvelle photo où la pinte était bien coulée et invitant les gens avec un passeport irlandais valide à se présenter à son bar pour une pinte de Guinness et un shot de Jamie gratis. Rappelons que la Guinness est la bière flat qui goûte rien qui fait la fierté du peuple irlandais. Merci beaucoup, Bruno. C'est vrai qu'il faut la noire la plus goûteuse. Hein? C'est quand même particulier. J'avais eu des chips à Guinness une fois. J'ai fait, ah, des chips nature. Des chips ordinaires. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Bruno. Hey, ça nous amène à la fin de ce magnifique 70%. C'est de bon ton de remercier les techniciens et les chroniqueurs. Jean-Marc, t'es présent beaucoup sur Facebook. J'ai ri au bout. Je suis vraiment content d'être venu. Ben, si on veut suivre les pis-à-pi aventures, là, Facebook, t'es là-dessus pas mal. Et puis là, The Box, vous vous lancez dans une tournée live. Là, vous faites le tour du Canada. L'Ontario, Québec, pour commencer, puis on verra après. Mais okay, pour le moment, si la catapulte se rend plus loin, là. Oh. C'est vraiment gentil d'être passé. Hey, à partir de maintenant, ben voilà, c'était 70%. On va baisser l'écran, puis je vais aller mettre des clips. Tu penses que tu peux partir le premier tranquillement? On va tasser ça ici. J'ai l'air d'être en contrôle. Vous savez, ma fête, à chaque année, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Et c'est quelque chose que je vous invite à venir voir. La face du chien ici. Le chien qui devient le roi. Dites-moi où il est écrit dans le livre des règlements que le chien ne peut pas devenir le roi. Merci. Hey, tu peux partir le premier clip. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hello. My name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth wireless Ethernet card, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spouse and listen to 70%. 70%. Grand événement qui nous oblige à mettre un petit peu tout le reste en perspective. On parle bien entendu de ma fête. Je vous souhaite à tous une excellente ma fête. Merci d'être là avec moi. C'est un privilège. Il y a mes parents qui sont venus de Saint-Jérôme, le dépôt à retraiter. Ils sont venus nous voir. C'est très gentil. On a une soirée assez magique qui va se terminer par Beethoven 6. Je vous mentirai pas que je suis un petit peu déçu que ce soit pas le singe en français. Mais bon, Beethoven 6, c'est très moins 6. T'sais, c'est insultant. Là. C'est comme, mettons, un film des aventures de Quick et Flop. Mais tu sais, toutes des blagues vieilles que, oh non, pas vrai, tout le temps, je pense qu'on va avoir du plaisir. Juste avant, ben, c'est moi qui vous a préparé un set de VJ. Il y a quatre grandes thématiques qui se sont imposées. Le porn cheap, je t'aime maman. On a aussi des animaux, beaucoup d'animaux. J'ai aussi de la nourriture et un petit spécial escalier, parce qu'il faut pas se leurrer. C'est encore le mois de mars et faire attention dans les escaliers. Ça marche. C'est important de faire attention dans les escaliers. On connaît tous quelqu'un qui a été blessé gravement par des marches d'escalier. Juste avant, on va avoir un 70% avec notre invité Jean-Marc Pisapia qui est là-bas. Je vais lui demander s'il faut faire le S en Z de tantôt. Ça va peut-être m'aider pour la suite. Sinon, ben avant, comme à chaque année, ce que c'est ma fête à 70%, je vous raconte un moment glorieux ou vraiment moins glorieux de ma vie. Un moment pas mal décisif. Et cette année, l'année passée, je pense que j'avais raconté quand j'ai tué une poule à coups de pelle. Ouais. Je m'excuse encore. C'était là deux, ok. Bon, ben regarde, tu vois, le monde sont à jour. Oui, ok, oui, l'année passée, c'est quand j'avais vomi chez la belle famille de ma blonde Marie-Laure. Aïe, aïe, aïe. J'avais raconté aussi quand j'avais foncé dans une madame en bicycle au Danemark et un moment un petit peu plus glorieux quand j'avais fait face à la mort et que je n'en m'étais sorti que plus plein de confiance en moi. Et cette année, je vais raconter un moment vraiment pas fort, mais en même temps peut-être aussi expliqué, parce qu'il est arrivé un malentendu dans cette histoire-là, comme toutes les belles grandes histoires. Hein. Et en fait, ça s'est passé ici, au Brouhaha, quelque part en 2007-2008. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense que ça avait fait du bien qu'on projette des films et des clips. Là, il y a des playlists sur YouTube et tout, c'est rendu un petit peu plus facile d'obtenir le genre de divertissement qu'on vous offre ici par passion chaque lundi depuis tout ce temps. Mais à l'époque, il y avait vraiment une chier de monde. Et on avait des projectiles, c'était pas encore l'évolution qu'on a là. C'était, et je vous mens pas, c'était une bille enroulée de saran wrap avec une feuille de papier d'aluminium par-dessus pour tout garder ensemble. Les premières fois, c'était bien correct. Ça faisait swish, c'est vraiment parfait. Mais ce qui arrive, c'est qu'à cause du papier d'aluminium et du reste, à un moment donné, l'air sortait à force des lancers et tranquillement, pas vite, on avait des roches. C'était vraiment des roches. Et je me rappelle, à un moment donné, je parlais avec un journaliste dans le fond de la salle là-bas. Il me dit « Ouais, c'est vraiment le fun, puis vous avez jamais de blessé avec les projectiles. » Je fais « Ben non, check ben. » Là, je n'ai pitché un, mais il est parti comme ça. Et c'est allé en arrière de la tête d'un gars qui était assis juste en avant. Ça fait « Ow! » Tu sais, oui, je venais d'y crisser une roche par la tête, tu sais. Puis là, je parlais avec un journaliste et je me suis immédiatement senti très mal. J'ai dit « Chris, dude, je m'excuse. » Veux-tu une bière? Puis on fait comme si c'était jamais arrivé. C'était quand même pas pire, dégainer de même, pour vrai. Là, il a dit, ah, oh, ouais, ouais, c'est sûr. Puis là, ben, tu sais, il en a parlé, c'est sûr. Avant qu'il parte, je suis allé lui serrer la main. J'ai dit, je m'excuse vraiment beaucoup. Et bon, voilà. Deux ans plus tard, à peu près, j'étais à une entrevue, je me rappelle plus où, et on parlait des visionnements douteux et des projectiles et tout. Et le journaliste me demande, ben en fait, l'animateur de l'émission, j'ai oublié c'était quoi, il me demande « Ouais, puis avez-vous déjà eu un accident de projectile? » Je fais « Non, pas vraiment. » Puis juste, là, tu m'en avais crissé un en arrière de la tête. Ben oui, c'est vrai, tu sais, c'est... Moi, dans ma tête, j'y avais payé une bière, c'était réglé. Et c'est effectivement la seule fois que quelqu'un a violemment été atteint. Et puis ça, c'est quelque chose qui est assez particulier par rapport au projectile. C'est que non seulement c'est sûrement moi qui ai le plus violemment atteint quelqu'un, mais en plus, Marc Bélanger est celui qui a sûrement détruit le plus d'affaires dans le brouhaha à force de pitcher des projectiles. et Mathieu Cloutier a pété deux TV à Québec. Ce qui veut dire que les responsables de chapitre et moi, on est ceux qui ont fait le plus de dommages avec des projectiles. Et je sais pas, je trouvais ça drôle d'en parler ce soir. Et je vous rappelle, avant de se lancer dans ce 70% qui devrait être tout en couleur, salut papa, je t'aime. Que c'est pas une joke, j'en parle souvent, mais je vous invite vraiment à essayer ça. Regardez du beurre de peanut au Blacklight. C'est la plus belle de toutes les couleurs. C'est serein, là. Il se passe quelque chose avec le beurre de peanut au Blacklight. Là-dessus, ben, on est prêt à y aller pour 70%. Merci. Tommy Godette et son anniversaire, mesdames et messieurs. Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de mars, faire attention dans les escaliers, ça marche. La la la la la la. Tabarnak. Moi, je suis sous à la hauteur de ce que ma fête doit être. Bonne ma fête à vous, tout le monde. Là, moi, j'avais mis en vote le meilleur film de la vie contre le meilleur des Beethoven, et c'est le meilleur des Beethoven qui a gagné. J'ai senti que les gens avaient besoin de quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on va écouter un film de chien à partir de maintenant. Et il y a une très belle leçon de courage. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cave. Moi, j'ai écouté plein de films de chien en 2015-2016. Et ce film-là a été une révélation pour moi. Je pensais pas que je pouvais être autant sous-estimé, genre. Toutes les blagues, c'est comme des punchs de Archie en quatre cases. Tout est cave, là. Tu sais, vous allez voir, Beethoven, ça a plus vraiment rapport avec le premier, là. C'est juste que le chien, il est gros, là. C'est pas de joke, c'est vraiment le seul lien. Là. Puis là, Beethoven, il est comme, par la force des choses, engagé par un hostie de cave. Puis les méchants sont... Tout le monde est con, là. C'est du monde avec le droit de vote, Chris. Ça dure 1h20. C'est pas long. Mais c'est vraiment délicieux. Il y a plein de séquences que vous allez vous rappeler pour le reste de votre vie. Parce qu'il faut pas oublier qu'on ne peut pas dévoir, hein? Et là-dessus, sans plus attendre, peut-être un dernier remerciement à l'équipe de techniciens fabuleux. L'excellent Steph Mallette, Olivier Godette et Alexandre Larocque. Non, on passera pas la boîte à soir, c'est ma fête. Ma fête, ça se paye en shooter. Pas en argent à Canadian Tire. Bientôt, le micro, je vais le domper. Le film... On va l'écouter. Merci, Jimbo. Bonne ma fête, qu'il a dit. Hein? Let's go! On écoute Beethoven 6. Et d'ailleurs, comme le vrai Beethoven, ils sont à 8. La 9e symphonie, la malédiction du compositeur. Beethoven 8, c'est le dernier. L'île aux pirates de... Ah, je m'en rappelle plus. Ah, c'est petite calice. Prenez des films... Oui, il y a un... Non, il n'y a pas de Beethoven dans l'espace. Mais il y a un Air Buddies dans l'espace. C'est un des bons, ça. La belette, les souffles. C'est une autre discussion. Let's go, pas Beethoven, Olivier!